Spécimen rare, a.k.a. Réos Carlin, l'âme du rasoir. 7-7 que je dis, Mysticamente, partenaire du rap lourd. Quand le 7-7 t'as le micro, t'as 7 secondes pour entrer dans le truc. Une fois de plus, ça fait des max bêtes. Même quand le jazz est sale comme Dino Velvet, y'a des spécimens rares. Donc, fast and seat belt. On dit la gare, Norman se rend pas. Faut plus tourner en rond comme un compas. Faut qu'on soit la fierté de nos rempas. Trop de frères ont promené leur corps sous les miradors. Celui qui dort n'a que ses yeux pour pleurer sur son sort. Entre quatre murs, y'a que la foi qui fait lever le matin. Quand c'est pas le matin, je la prends pas comme rouler un patin. Moi je m'a fait poubelle sur laquelle je jette les problèmes que j'écorche. Les trucs du genre relou comme les doches. On tutoie la FM, même si on change pas comme quinte. Faut plus casser en bas comme les caisses aux heures de pointe. Le truc est simple, fais ce que t'as à faire ici, après tu vais où. Je t'assure qu'il y a pire ailleurs. Je laisse causer rare tirailleurs. Tant de choses nous séparent des nôtres, tant de circonstances parmi d'autres. Si t'es pas épaulé dans ce monde, je te vôtre. À quoi ça sert d'être ici ou là-bas? Tu sais que c'est la même sauf qu'ici. Moins physique car plus futile sont nos problèmes. Je m'explique. Ici un gosse pleure à cause d'un costa. Quand je te là-bas, les gosses sèchent leurs larmes sous les tables des probable que de drame au bled. Mon enfance comme une torpille. Et mon plus jeune âge, mes rêves dégommés comme dans un jeu de quilles. Triste destinée d'un être sans expérience. Dès l'âge de 6 ans, contre à souffrir dans les mines sans espérance. Conséquence, plus de sourire aux lèvres, certains bravent les armes. Plus de trêve contre ceux qui bravent. Combat sans merci, des braves autrui. Tout le monde n'a pas la même force de survie. On vit sur terre en étant prisonnier de la mort en sursis. Alors, explique-moi pourquoi leurs yeux, la vie d'un noir vaut moins cher que celle d'un blanc. On a tous le même sang. Dans les veines qui coulent, un caractère s'en découle. Mais l'on sait que la différence de peau. En certaines personnes ma boule. Pas cool la vie que je mène sur cette planète. Depuis mon enfance on n'aime pas son parquet. Toujours alors, les mêmes saletés. Faut qu'on arrête de se plaindre. Car ici on est au beurre. Y'a pire ailleurs. N'oublie jamais que beaucoup ont trop souffert dans leur vie. Dis-toi qu'à chaque endroit, à chaque misère du nord au sud. Mais dis-toi que sur ce globe les conditions de vie sont plus. Faut qu'on arrête de se plaindre. Car ici on est au beurre. Y'a pire ailleurs. N'oublie jamais que beaucoup ont trop souffert dans leur vie. Faut qu'on arrête de se plaindre. De faire semblant de chante. Arrête de t'enflammer. Ailleurs des gars de ton âge font éteindre. Et pertinent de vraies choses. Je me devais choisir rap pour faire ouvrir les yeux. Avant que ne me sourissent les cieux, je veux relater la ville, un truc comme messieurs. Je vais vous plonger dans mon univers, mesdames et messieurs. Mes désillusions sont telles que j'ai laissé bien trop de plumes derrière moi. Les déceptions fréquentes comme mes périodes sans thunes. Et derrière moi, personne pour me réceptionner si ce n'était ma plume. Désillusion texte, je me sentais pris entre le marteau et l'enclume. Mais faut que j'arrête de me plaindre. Car ici on est au beurre, y'a pire ailleurs. N'oublie jamais que beaucoup ont trop souffert dans leur sens du partage, mec, comme enseignement. Sens du partage, sans ces cicatrices et certains saignements. Certains saignements, tu fais référence à ce sourire bien trompeur. Sans pour masquer les mauvais jours où je m'imagine trop le pire. Change le proverbe, le malheur des uns fait aussi mon malheur. Passe la balle, biftec et mince, si en plus y'a bien trop de parts. Un centre africain à l'extérieur, son continent. Malmenant une chaîne de vie, mais résonnant clairement. Sur des caisses claires, tellement que les frères du continent d'en dessous m'envient. Sachant que là-bas la vie est misérable, qu'ici la condition de vie est désolante. Loin de chez moi, je suis conscient qu'il y a trop de maladies constantes et que mes frères plantent. L'impossible pour fuir tandis qu'ici les frères plantent pour une barrette. Les Montmarnac avec un Beretta mettent des carottes. Quand pas peu ils mangent, quand au trou ils se baignent. Même si le beurre ils frottent. Que pour gagner leur croûte, les mondes me battent trottent en tirant des charrettes de manioc. Harnais et maniaque ici, la tête pleine de niaques. Ils ont donné aucun respect au yok. Pourtant on se ferait pas se plaindre comparé à eux, c'est tout bénef. Même si c'est dur d'être trop noir dans cette scène. Deux fois rame se lève, deux fois rame se lève. Alors faut qu'on arrête de se plaindre. Car ici on est au beurre, y'a pire ailleurs. N'oublie jamais que beaucoup ont trop souffert dans leur vie. Dis-toi qu'à chaque endroit, à chaque misère du nord au sud. Mais dis-toi que sur ce globe, les conditions de vie sont plus rudes. Faut qu'on arrête de se plaindre, car ici on est au beurre. Y'a pire ailleurs, n'oublie jamais que beaucoup ont trop souffert dans leur vie. Faut qu'on arrête de se plaindre, de faire semblant de chien. Arrête de t'enflammer, ailleurs des gars de ton âge se font éteindre. L'espoir pour moi de m'instruire, vivre heureux, éduquer sans détruire. Loin de la crasse où les gosses pourchassent l'oseille. Pour se vêtir, pour se conduire vers le non-retour. Économe, école en vie narine, puisse s'emplir de poussière qu'on perd. Les maladies déciment trop de vie encore. Sur fracture des esprits. Pour les orphelins atteints mentalement, entassés dans des camps, victimes des guerres chimiques ou militaires. Militaires des pays où les gosses combattent avec des pierres. Les chars d'assaut militaires à 10 ans mercenaires. J'espère je vais pas te la prendre. Sache qu'il y a pire ailleurs. Ouais mec, pire ailleurs. Faut qu'on arrête de se plaindre. Car ici on est au beurre. Y'a pire ailleurs. N'oublie jamais que beaucoup ont trop souffert dans leur vie. Dis-toi qu'à chaque endroit, à chaque misère du nord au sud. Mais dis-toi que sur ce globe les conditions de vie sont plus rudes. Faut qu'on arrête de se plaindre. Car ici on est au beurre. Y'a pire ailleurs. N'oublie jamais que beaucoup ont trop souffert dans leur vie. Faut qu'on arrête de se plaindre, de faire semblant de chien. Arrête de t'enflammer. Ailleurs des gars de ton âge se font éteindre. Faut qu'on arrête de se plaindre. Car ici on est au beurre. Y'a pire ailleurs. N'oublie jamais que beaucoup ont trop souffert dans leur vie.